Aux appels antérieurs, j'suis toujours en quête. J'ai l'impé intérieur, mais j'suis toujours en guerre. J'ai zimpé l'intérieur, j'ai zimpé leur gueule. J'ai zimpé le bonheur et ce qu'on appelle l'orgueil. Faut qu'aujourd'hui, j'reste en pis, j'reste dans le délire. Sache que j'ai pas d'envie quand j'm'habille. Quand j'vois le paysage, j'suis bien en vie. Faut que ma ville, faut que la terre, elle sache. J'suis bien dans le vide, en orbite. Faut que l'atterrissage, ils demandent à choche. L'essentiel n'est pas là, la cherche la source. J'ai la corde dans la gorge, donc ma corde dans la cour. Cherche l'amour de l'époque comme ces gosses dans la cour. Faut que je rentre quand je sors. Danse avec mes démons quand l'ange dort. Faut que j'ai mes raisons et même quand j'ai tort. Plus de raison, j'me mets sous. Cherche ma maison quand je rentre, quand j'suis mort. J'en ai plus rien à battre. J'rêve de saccage. J'ai plus de souvenirs, non, j'sais ce qu'un sourire saccage. C'est qu'au fond, bête et mal. Vas-tu oser me le dire? Vas-tu poser les armes? Vas-tu oser le dire? J'suis en orbite avec la lune. Les yeux comme des billes, j'ai des alus. J'vais chercher mon bif, j'te dis salut. Avec ou sans un bif, j'l'ai mis à nu. Seul dans le noir, je me rappelle. J'aime quand même des choses, j'dis pas que j'ai rien à perdre. Du rhum et du rhum, j'oublie mes rêves, j'dors à peine, j'suis pas gangster. J'suis un gentil pour rien, comme un solo. J'commande solo, j'crache comme un sono. J'attends plus qu'il fasse place au nôtre. J'suis dans l'espace, j'suis astronome. Aux questions, réponses, sans rester évasif. J'reste évasif. J'ai des émotions que quand j'fais ma zine. Sans rester évasif, on part sans raison, besoin d'évasion. J'ai des émotions que quand je fais ma zik. Tu pourrais être libre et quitter ma zone. Question réponse, on reste évasif. On part sans raison, besoin d'évasion. J'ai des émotions que quand je fais ma zik. Fais tout pour être libre et quitter ma zone. L'heure et le temps séchera tes larmes. Make up et face, stretch à tes larmes. Quoi que j'en fasse, cette vie m'écœure. Quoi que j'en fasse, l'avenir m'inquiète. On rit qu'en façade, on vit qu'en fafa. On vit qu'en façade. Ce qu'on vit dans le massacre, tout mis dans la massa. On vit qu'on passe à ce qu'on. Qu'à prendre des risques pour réussir. On apprend des disques du DUC. Appréhender le vide, c'est lucide. À prétendre que c'est le sait. Ma team c'est le Barça, à diser par ça. Y'a que des bastards, t'sais. On kiké basta, attiré par ça. On est que de passage. La vie est trop courte pour se perdre en chemin. On a viré trop jeune et on perd des semaines. On a niqué trop de bulles sous nos paires de semelles. Quand je vois briller trop de bulles, vu que les frères s'élèvent. J'observe le monde à travers la vue. Quand elle me demande, je reste avec un vif. On serre le manche, on frôle les abysses. Y'a qu'aux enterres, on prend qu'on voit des amis. Aux questions, réponses, sans rester évasif.